Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment est né le pays de l'or noir et qu'est-ce que le fameux accord de la ligne rouge ? Qui étaient les majors, les grandes compagnies pétrolières en Iran et en Irak, et bientôt en Arabie? Comment fonctionnaient-elles dans l'entre-deux-guerres, s'interroge l'historien Henri Laurence. Comment le premier avertissement grave pour la domination britannique est-il venu de la Palestine? Comment l'onde de choc des violences d'août 1929 autour du mur des Lamentations à Jérusalem a-t-elle transformé les événements d'une affaire religieuse en affrontement entre sionistes et arabes, puis en soulèvement anticolonial qui touche l'ensemble du monde musulman? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, interroge l'hégémonie britannique entre 1926 et 1956 dans le cadre de sa série pluriannuelle intitulée « Les crises d'Orient ». L'historien explique dans le chapitre qu'il a intitulé « Le moment britannique » et je le cite « qu'à partir de 1923-1924, la stabilité tant espérée semble s'installer de façon durable, même si quelques remaniements territoriaux sont encore à venir. Commence le moment britannique, celui d'une hégémonie qui constitue une sorte de parenthèse entre le puricentrisme de la question d'Orient et le retour des compétitions internationales lors de la Seconde Guerre mondiale ou surtout de la guerre froide. Ainsi, pendant un certain temps, la région ne semble plus soumise à la malédiction géopolitique des ingérences des divers acteurs. Son enjeu se transforme avec la disparition progressive de la fantomatique route de l'Inde et l'émergence des routes plus réelles du pétrole. Il s'agit maintenant du pays de l'or noir, tandis que la question palestino-sioniste prend une importance mondiale. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 21 novembre 2018 pour le cours d'Henri Laurence. Aujourd'hui, la naissance du pays de l'or noir et la question de Jérusalem. La fois dernière, nous avions abordé un peu les développements sociaux et économiques de l'entre-deux-guerres dans l'Orient arabe. Et aujourd'hui, nous commençons par la naissance du pays de l'or noir, puisque c'est en 1939 que Hergé commence sa publication de Tintin au pays de l'or noir, publication qui sera interrompue par la guerre, d'où le fait que la suite n'apparaîtra que dans l'après-guerre, avec l'arrivée à la fois du capitaine Haddock et des sionistes, qui n'étaient pas dans les premières bandes originales. Mais malheureusement, nous ne sommes pas ici dans un cours de tintinologie. Ce qu'il faut voir, c'est l'émergence de l'économie pétrolière. Alors, comme vous le savez, le début de l'économie pétrolière au Proche-Orient date de 1908 en Iran, avec l'Anglo-Persian Oil Company, l'APOC, qui avait été pris de contrôle par l'amirauté britannique de Winston Churchill en 1914, puisque, si vous vous rappelez les cours des années précédentes, tout simplement, la nécessité pour la marine britannique qui était en train de passer au mazout, et non plus à la chauffe au charbon, de s'assurer un approvisionnement régulier en pétrole, ce qui explique donc que l'Anglo-Persian Oil Company, l'APOC, avait été prise de contrôle. Alors ensuite, dans les années 20, avec l'émergence du pouvoir de Reza Shah Pahlavi, il y a eu la première contestation des concessions avec des négociations difficiles, surtout que la crise mondiale des années 30 avait évidemment amené une baisse de la demande. Mais finalement, on était arrivé à un accord sur la validité de la concession en juin 1933. Donc une nouvelle concession a été accordée à ce moment-là. Le domaine géographique a été réduit et la concession devrait s'étendre jusqu'à 1993 et la redevance de 16%, les royalties, serait calculée à la fois sur la quantité produite et sur les revenus de la distribution, assurant ainsi à l'Iran un minimum de 750 000 livres sterling avec un recrutement aussi de personnel iranien dans la compagnie. Alors, en 1935, bien évidemment, puisque la Perse devient officiellement l'Iran, l'anglo-iranienne devient l'AIOC. Mais vous la connaissez tous, parce qu'elle existe toujours, sous le nom de sa marque de distribution, la British Petroleum, la BP. Alors, la POC, ou AIOC ensuite, est le premier investissement massif étranger au Moyen-Orient depuis le canal de Suez. L'économie pétrolière exige une mise en fonds préalable considérable pour l'exploitation et la distribution. Comme pour Suez, les installations de la société, ici c'est Abadan sur le Châtel Arabe, constituent une véritable enclave européenne dans un pays défini comme arriéré, avec les conséquences contradictoires que cela implique. D'une part, la compagnie étrangère offre des services sociaux et un système de formation destiné à la population dite indigène, bien supérieur à ce qui existe dans le reste des pays. Mais de l'autre, du fait même de cette situation, les Britanniques se comportent avec une certaine morgue dans les rapports sociaux avec la population dite indigène, ce qui blesse profondément l'amour-propre des 10 individus. Abadan est en Iran des années 30 à la fois une enclave de modernité et en même temps un pouvoir étranger insupportable pour le nationalisme en pleine montée. Alors, dès avant 1914, il y avait suffisamment de suspicions pour considérer qu'en Irak, marqué dans le vilayet de Mossoul, il y avait des ressources pétrolières considérables, d'où la formation de la Turkish Petroleum Company. Durant les négociations de l'entre-guerres, la composition du capital de la TPC, Turkish Petroleum, avait été un enjeu majeur et l'accord de San Remo donnait à la France 25% du capital de la Turkish Petroleum contre 75% aux Britanniques qui contrôlaient 75% à la fois par la participation de la POC et par la participation de la Shell. La Shell étant théoriquement une compagnie anglo-hollandaise, oui, parce qu'elle est née en Indonésie, c'est pour ça qu'elle est hollandaise au départ, puisque c'était les Indes néerlandaises. Mais la Shell met ses bureaux de direction à Londres pour avoir un statut britannique et donc être considéré comme tel. Et les Américains avaient alors protesté en appelant au dogme, au respect de ce qu'on appelle la porte ouverte, l'open door, donc l'interdiction aux autres de se constituer des monopoles à l'extérieur. Alors, la dispute était de nature juridique, puisque les Américains considéraient que l'Irak était un mandat, donc soumis à la porte ouverte, à l'open door, mais les Britanniques répondaient que la concession avait été accordée à l'époque ottomane et n'est donc pas considérée comme forcée par l'open door. Alors, le sujet, c'est qu'à cette époque, que les États-Unis contrôlent 70% de la production mondiale à partir de leur seul territoire et 82% si on prend en compte les compagnies américaines opérant au Mexique. Alors, évidemment, tout ça a conduit à une longue négociation auquel les Britanniques proposent aux Américains 12% du capital de la Turkish Petroleum. Sur cette base, les Américains acceptent de ne pas tenir compte de la porte ouverte, mais à ce moment-là, il y a les victoires de Mustafa Kemal et la remise en cause du statut de Mossoul. On a vu ça la fois précédente. Et donc, il faut attendre l'arbitrage de la SDN pour que la négociation puisse reprendre. Et s'y ajoute enfin la participation de Gulbenkian. Gulbenkian était un monsieur d'origine arménienne qui avait passé son temps avant 1914 à collecter les concessions pétrolières. Donc il y avait tout un statut à savoir exactement qu'est-ce qui appartenait à M. Gulbenkian. En 1924, le gouvernement français patronne la création de la Compagnie française des pétroles pour gérer la participation de la France dans la Turkish Petroleum. Comme vous savez que au départ, la marque de distribution future de la Compagnie française des pétroles, c'est Total. Et que donc aujourd'hui, Total est l'héritière non seulement de toutes les compagnies pétrolières, mais directement de la Compagnie française des pétroles, qui, comme beaucoup de produits français dans l'industrie, a d'abord été organisée par l'État. C'est une création de l'État français. Comme on l'a vu, le 24 mars 1925, l'Irak avait accordé une nouvelle concession de 75 ans à la Turkish Petroleum, à l'exception du vilayet de Basra. Donc maintenant, on peut ouvrir la prospection et c'est Gulbenkian qui va mener la négociation finale. Le 14 octobre 1927, l'équipe d'exploitation de la Turkish Petroleum extrait pour la première fois du pétrole en grande quantité. Donc, il faut en finir. On n'est plus dans le virtuel, on est dans le réel. Donc, l'essentiel est là. La capitale de la Turkish Petroleum, qui est un consortium, est ainsi divisée 23,75% à la Compagnie française des pétroles, 23,75% à la POC, 23,75% à la Shell et 23,75% à un sous-consortium américain, la Near East Development Company, dont le capital va varier lui-même pendant un certain temps avant de se stabiliser en étant la possession de la Standard Oil of New Jersey, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom d'Exxon, et de la Standard Oil de New York, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Mobile. Les Standard Oil étant les héritières du Trust Rockefeller, puisque Rockefeller avait quasiment atteint une position de monopole aux États-Unis au début du XXe siècle, et le gouvernement américain, utilisant la loi antitrust, avait scindé la Standard Oil de Rockefeller en plusieurs compagnies indépendantes. Donc tous ceux qui commencent par Standard Oil sont des héritières de la Standard Oil de Rockefeller. Gulbenkian, le pauvre, lui ne reçoit que 5% du pétrole de la Turkish Petroleum, d'où son nom célèbre de Monsieur 5%, ce qui quand même était un revenu des plus considérables. Alors parallèlement à cela, il faut voir que, en raison de l'ampleur des investissements et le fait qu'en général l'économie de l'entre-deux-guerres est une économie de cartel, les compagnies pétrolières mondiales agissent en cartel. Alors, il y avait une controverse puisque la Turkish Petroleum s'était engagée à l'origine à ne pas prospecter en dehors de l'Empire ottoman. C'était un règlement d'avant 1914. Alors, il s'agissait de savoir où se trouvait l'Empire ottoman. Et évidemment, les compagnies membres discutaient de ce problème sans arriver à une solution. Et finalement, Gulbenkian a pris un crayon rouge et il a tracé une ligne rouge sur la carte du Moyen-Orient. Donc c'est le fameux accord de la ligne rouge du 31 juillet 1928, dont vous voyez par curiosité que la totalité de la péninsule arabique est considérée comme faisant partie de l'ancien empire ottoman, mais non le Koweït, ce qui aura des conséquences importantes dans les années 1950. Ainsi que les zones neutres du Koweït ne sont pas incluses dans l'accord de la ligne rouge. Alors, ce mouvement, vous savez, l'économie pétrolière, en général, ce sont des cyclothymiques. La moitié du temps, ils disent, il n'y a pas assez de pétrole. Et donc, on va avoir la pénurie. Et puis, l'autre moitié du temps, on en a trop. Ça date depuis le début du XXe siècle. Et ça continue largement encore aujourd'hui. Dans le cas précis, l'économie pétrolière mondiale se cartélise totalement à la fin des années 1920 parce que on a la peur d'une surproduction. Et cela passe donc par un accord de partage du marché mondial entre les majors, ce qu'on appelait à l'époque les cinq sœurs, les compagnies américaines, plus les deux anglo-saxonnes, la Shell et la POC, les sept sœurs, et certains trouvaient que ça avait un relent maçonnique, mais ça c'est autre chose. Donc la CFP était la huitième sœur, mais c'était une petite sœur à l'époque. Aujourd'hui, Total n'est plus la petite sœur, mais à l'époque, c'était la petite sœur des sept. Et donc, ils se mettent d'accord pour fixer le prix mondial du pétrole à partir du prix de l'exportation du prix du pétrole à partir du Golfe du Mexique. C'est donc l'accord Golfe, pris définition par Golfe, et ensuite c'est un peu raffiné. Je passe sur les détails, puisqu'ensuite le prix du pétrole sera fixé au coût du pétrole à son arrivée à New York à partir du Golfe. Ce sera l'accord Golfe Plus. Mais l'idée principale, c'est que le prix du pétrole est cartélisé sur le plan mondial, même si en pratique, l'arrivée de nouveaux gisements de pétrole rend largement cette cartélisation inopérante. En tout cas, c'est l'âge d'or du système du puits à la pompe. Les compagnies pétrolières vont du puits où ils extraient du pétrole jusqu'à la pompe qui alimente tous les villages de France et de Navarre, d'Oklahoma ou du Mexique ou de ce que vous voulez. C'est une intégration totale du puits à la pompe. Et donc l'ensemble des accords, alors évidemment c'est des affreux rapports capitalistes, mais ça assure une bonne rentabilité aux investissements tout en procurant à l'ensemble de l'économie des pays industriels un pétrole à un coût modéré, ce qui est plutôt considéré aujourd'hui comme une bonne rationalité économique, alors que le système de concurrence d'aujourd'hui et du marché fait qu'on a un prix du pétrole qui oscille constamment à la hausse ou à la baisse de façon très forte, comme vous devez le savoir, peut-être. Alors que les accords de cartélisation, en revanche, assurent un prix stable au pétrole. Donc, pour l'ensemble des acteurs économiques, c'est une donnée assurée. Alors, en Irak, l'IPC ne couvre pas la totalité du territoire, selon la concession, mais récupère les concessions manquantes par le biais de filiales. Par exemple, la Basra Oil Company est une filiale de l'IPC. Mais elle fournit que du pétrole brut aux compagnies membres du consortium, d'où toute la discussion sur le coût de cession, le prix de cession du pétrole. Étant donné que l'intérêt des membres de l'IPC, c'est d'avoir un prix de cession le plus bas, puisque la royalty est calculée sur le prix de cession. Et donc, évidemment, les Irakiens trouveront un peu saumâtre cette situation. Mais la grande question, c'est que le pétrole, il faut le transporter. Et vous avez la décision de créer un oléoduc entre la vilayette de Mossoul et la Méditerranée. Problème, c'est que les Français ne peuvent pas accepter que l'oléoduc passe exclusivement par des territoires sous contrôle britannique, et les Britanniques ne veulent pas accepter que les Français possèdent le contrôle de la sortie de l'oléoduc. Donc, on a décidé qu'à la sortie de l'Irak, à peu près, enfin, un peu pas avant ça, mais avant la sortie de l'Irak, l'oléoduc se scinde en deux branches. Le premier va vers Haïfa, où il y aura la seconde raffinerie de pétrole du Moyen-Orient après celle d'Abadan. Et l'autre passe par le mandat français, à la fois par la Syrie et le Liban, pour aboutir à Tripoli, avec même ultérieurement un embranchement vers Banias en Syrie. Alors, c'est les premiers oléoducs. Donc, les oléoducs sont les premiers grands oléoducs de la région qui vont être construits dans les années 1930. Alors aujourd'hui, il a cessé complètement d'exister, enfin il n'est plus en exploitation, c'est l'oléoduc de l'EPC, mais vous avez sa trace historique parce que vous avez des tas d'événements historiques, des rencontres, etc., qui se passent au poste H22 ou Y24, qui sont devenus des lieux dits que l'on retrouve dans les archives à des dates postérieures. Alors, les protectorats britanniques du Golfe se trouvent dans une situation particulière. D'un côté, les compagnies doivent avoir un statut britannique pour pouvoir s'implanter, et de l'autre, elles doivent respecter l'accord de la ligne rouge. Donc, ça explique pourquoi la Standard Oil of California, donc la SoCal, qui est une troisième héritière de la Standard Oil de Rockefeller, donc la SoCal crée une compagnie canadienne, parce que comme le Canada est territoire britannique, ça lui permet de travailler dans le Golfe. Et cette compagnie s'appelle la Bahrain Petroleum Company, la BPC, je vous passe les détails, qui commence l'exploitation à Bahreïn en 1932. Là, elle a besoin d'avoir un réseau de production et de distribution, et elle se tourne vers une autre compagnie américaine, la Texas Oil Company, Texaco. Et la Texaco plus la SoCal crée la California Texaco, donc la Caltex, dont vous avez peut-être entendu parler, aussi qui est une compagnie de distribution dont le siège se trouve miraculeusement aux Bahamas, puisque les Bahamas sont un protectorat britannique, enfin c'est un territoire de la couronne britannique, donc on reste en zone britannique même si le capital est américain. Koweït étant à l'extérieur de la ligne rouge, mais doit respecter la clause de nationalité britannique. Donc la Gulf Oil américaine ne peut pas s'implanter seule. Donc elle s'associe avec l'APOC, puis AIOC, pour créer la Kuwait Oil Company, dont l'exploitation commence en 1936. Mais à cause de la guerre mondiale, l'exportation de pétrole de Koweït ne commencera qu'en 1946. Il en est de même pour Qatar, où l'exploration commence en 1938 et la commercialisation en 1947. La grande question est celle de l'Arabie Saoudite, où il est légitime de penser trouver du pétrole du fait de sa proximité avec les gisements identifiés dans le Golfe. Elle est couverte par la ligne rouge, mais il n'y a pas de clause de nationalité britannique. Des prospections au début des années 30 donnent des résultats favorables et finalement la SoCal obtient la concession en 1933, puis est créée à ce moment-là. Elle crée la California Arabian Standard Oil Company, la CASOC pour exploiter le pétrole, de l'Arabie Saoudite, et en 36, Caltex s'associe dans le capital avec la SoCal. En 1938, le pétrole est découvert et l'exploitation commerciale qui s'était révélée prometteuse doit s'arrêter en 1940. Ce qui vous donne les chiffres de la production pétrolière du Moyen-Orient de l'entre-deux-guerres. Oui, évidemment que le premier producteur de très loin, c'est l'Iran, avec 10 millions de tonnes, un peu plus de 10 millions de tonnes en 1939. Le second, c'est l'Irak qui se rapproche de 4 millions. Et Bahreïn, un peu plus d'un million. Les autres productions sont marginales, donc n'ont pas besoin d'être notées. Donc le pétrole du Moyen-Orient est encore très faible en quantité au début de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui compte, c'est que l'image du monde arabe, maintenant, est devenue l'image du pays de l'or noir. Et donc, durant la Seconde Guerre mondiale, le pétrole du Moyen-Orient, même s'il ne représente qu'une fraction relativement faible de la production mondiale, deviendra un des enjeux de la Seconde Guerre mondiale. Alors, évidemment, c'est une des raisons, c'est que c'est un pétrole qui est pour l'essentiel exporté. Dans le pétrole, il faut faire la distinction entre État producteur et État exportateur. Les États-Unis sont un pays producteur, mais ils exportent relativement peu, parce qu'ils consomment. Tandis qu'à cette époque-là, évidemment, le pétrole du Moyen-Orient est avant tout un pétrole d'exportation. Alors, l'impact économique dans l'entre-deux-guerres est relativement faible. Les redevances de pétrole couvrent de 10 à 20% du budget irakien. Les pays du Golfe reçoivent des avances sur le revenu futur. Mais en tout cas, ce qui est en train de se passer dans les années 30, c'est qu'on voit une substitution en train de s'opérer. Pendant tout un très long 19e siècle, le Moyen-Orient, c'était la route de l'Inde. À partir des années 30, au moment où la route de l'Inde est en train de s'effacer, c'est les routes du pétrole qui sont en train de prendre le relais. Alors, repassons maintenant à la politique avec ce que j'appellerais le tournant de 1929. Mais tenez compte que le Moyen-Orient, il y a beaucoup de tournants et que c'est un parcours extrêmement sinueux. Donc, je serai amené à parler régulièrement de tournants de telle date ou de telle date. Alors, à la fin des années 20, on a l'impression que l'ordre règne au Moyen-Orient, une fois la révolte syrienne écrasée par l'armée française. L'Empire britannique, enfin, il n'y a pas d'Empire britannique au Moyen-Orient, c'est un empire par traité. Le Moyen-Orient ne fait pas partie de l'Empire britannique juridiquement parlant. Donc, le système britannique fonctionne admirablement bien, puisque maintenant, les stratèges britanniques ont compris que le Moyen-Orient, ce qu'ils appellent le Middle East, c'est un système non pas de territoire, mais de réseau. Et donc, le réseau, ce sont les réseaux, évidemment, maritimes, canal de Suez, etc., les réseaux de bases aériennes, comme on l'a vu dans les cours précédents, et maintenant, à venir, mais en construction, les réseaux d'oléoducs. Et donc, la grande intelligence des coloniaux britanniques, c'est de commencer à penser la région en termes de réseau, ce qu'ils appellent dans leur jargon officiel la sécurité des voies impériales de communication. Et puisque ce sont des réseaux, on peut gérer ça à peu d'argent, à bas coût, puisqu'on ne s'occupe plus de gérer des territoires. Seul problème, c'est qu'on a fait une imbécilité en 1917 d'essayer d'acquérir la Palestine. Et ça, ça va commencer à devenir un problème. Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui la naissance du pays de l'or noir et la question de Jérusalem. Terre sainte, les lieux saints juifs et musulmans, qui sont souvent les mêmes, concentrent autour d'eux le sacré religieux et le sacré national. Ils captent à leur tour le potentiel de dangerosité qui était celui des lieux saints chrétiens au XIXe siècle. Depuis son entrée en fonction comme mufti de Jérusalem, Rajamin el-Husseini a centré son activité autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem, Haram el-Sharif. L'ensemble du dispositif, y compris le mur, est géré par l'administration des lieux saints musulmans, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Waqf, fondation générale, mais là on dit bien le Waqf. Et c'est Rajamin qui gère le Waqf. Et il s'est lancé dans des gros travaux de rénovation des mosquées. Et pour cela, il a lancé une grande campagne de levée de fonds dans l'ensemble du monde musulman, ayant ainsi pour conséquence double de renforcer la centralité du Haram el-Sharif à l'intérieur de l'islam et en même temps de se poser lui comme grande personnalité musulmane. Le mur occidental, dit mur des lamentations, est un morceau de ce qui reste du mur du temple de l'époque d'Hérode le Grand. Le problème, c'est qu'il se trouve complètement enclavé dans le quartier maghrébin qui appartient au Waqf. C'est donc simplement dans les années 30, enfin dans la période de l'entre-deux-guerres, une étroite chaussée de 29 à 45 mètres de longueur sur 4,20 mètres de largeur. C'est pas du tout l'esplanade d'aujourd'hui qui est liée à la destruction du quartier maghrébin par les Israéliens en juin 1967. Le mur, c'est 4,20 mètres de largeur. C'est un couloir, pratiquement. Elle appartient au Waqf et les Juifs ont reçu l'autorisation d'y prier, mais non d'y apporter des objets. On est évidemment selon la législation dite du statu quo. Toute modification, même minime, est créatrice de droit. Vous savez, si vous déplacez un chandelier au Saint-Sépulcre de 5 cm, ça crée un changement de droit entre les orthodoxes, les éthiopiens, les coptes, les catholiques. Mais pas les protestants, ils ne sont pas acceptés dans le Saint-Sépulcre. Ça, c'est notre histoire. Et du coup, ils ont trouvé un autre tombeau de Jésus. Mais bon. Parce que les lieux saints, ça se fabrique. Hein. Les premières tentatives du mouvement sioniste, à partir de la fin du XIXe siècle, a été de faire l'acquisition du lieu, ce qui n'a fait que provoquer la méfiance de la population musulmane. D'autant plus que le mur a une cette unification religieuse en islam lui-même, puisque selon la tradition, ce serait l'endroit où le prophète aurait commencé son ascension mystique. Et le fer est attisé par le fait que le mouvement sioniste, quand il fait des levées de fonds en Europe et en Amérique, utilise la photo du Haram el-Sharif en mettant une étoile de David dessus. Ce qui est interprété par les musulmans quand ils voient cette photo comme une revendication, non seulement sur le mur, mais sur la totalité du Haram. En septembre 28, une tentative d'apporter un paravent destiné à séparer les hommes des femmes au mur provoque des protestations musulmanes. C'est une rupture du statu quo destinée à transformer les lieux en synagogues. Du coup, la police britannique enlève le paravent, suscitant l'indignation véhémente des milieux sionistes. Et ce qui s'enclenche en 1928, c'est l'ouverture d'une crise nouvelle autour des lieux saints. Les Juifs demandent l'expropriation et la destruction d'au moins une partie du quartier maghrébin pour élargir l'accès au mur. Et les musulmans y voient le début d'une tentative de s'emparer de la totalité du Haram, qui est le mont du Temple pour les Juifs. Et les Britanniques et la commission des mandats considèrent, à juste titre, qu'il n'est pas possible de modifier le statu quo qui a été établi à l'époque ottomane. Et les Britanniques se mordent les doigts d'avoir saboté, en 1922, la constitution d'une commission des lieux saints prévue par la Société des Nations, qui aurait pu très bien pouvoir arbitrer la question en enlevant la patate chaude aux mandataires. Du coup, les premiers mois de 1929 sont l'objet d'une montée de tensions sur la définition du statu quo. D'autant plus que les musulmans ne peuvent avoir aucune confiance dans les assurances répétées des sionistes qu'il ne s'agit que de l'accès au mur et pas de la totalité du Waqf. Mais les sionistes, eux, ne peuvent pas accepter qu'ils soient au mur par tolérance alors qu'ils sont de droit en Palestine. Le 16e congrès sioniste qui se tient à Zurich à partir du 28 juillet 1929 a pour objet la constitution de l'agence juive qui réunira sionistes et non-sionistes dans le soutien au foyer national. Weizmann cumule les fonctions de président de l'organisation sioniste et de l'agence juive. Donc la direction politique du mouvement sioniste se trouve en Europe à ce moment-là. Et durant le congrès, on rappelle les revendications sur le mur. Le 15 août 1929, à l'occasion de la célébration de la destruction du Temple, le mouvement de jeunesse nationaliste juif, le Beta, organise une manifestation politique devant le mur, ce qui est incontestablement une violation du statu quo. Le lendemain, jour de fête commémorant la naissance du prophète, les musulmans détruisent les objets apportés devant le mur. Le 17, les premières violences commencent par des bagarres entre enfants juifs et enfants musulmans à Jérusalem. Et à partir du 18, les rumeurs prennent de l'ampleur dans les deux camps. Il est évoqué un massacre généralisé des juifs par les musulmans ou une prise d'assaut des lieux saints musulmans par les juifs. Les violences éclate le 23 août 1929. Donc le 23 août, des paysans musulmans venus pour la prière s'en prennent aux habitants juifs de Jérusalem. Ajamin el-Husseini appelle au calme, il n'est plus écouté et perd le contrôle de la situation. Les violences d'abord s'étalent sur Jérusalem. Les Britanniques reprennent le contrôle de la ville sainte le 24 août, mais la violence s'étend au reste du pays, où juifs et arabes s'opposent. À Hébron, l'émeute fait 67 morts juifs, ce qu'on appelle le massacre d'Hébron. L'arrivée de renforts venus d'Égypte permet aux Britanniques de rétablir l'ordre à partir du 28 août. Le bilan officiel est de 135 morts juifs pour 136 arabes, donc des pertes équivalentes, en tout cas en nombre, des deux côtés, même si on peut considérer qu'une partie des pertes arabes vient de l'action de la police britannique, qui a évidemment tiré sur les émeutiers. L'onde de choc transforme les événements d'une affaire religieuse en affrontement entre sionistes et arabes, puis ensuite en soulèvement anticolonial qui touche l'ensemble du monde musulman. Les sionistes demandent de dures sanctions contre la classe politique arabe et de façon plus générale contre les arabes, mais les Britanniques commencent à se poser la question de savoir quel sera le coût à long terme pour les finances impériales britanniques du maintien de l'ordre en Palestine, à un moment où l'opinion publique arabe tend à confondre comme ennemi la puissance mandataire et le mouvement sioniste. Alors, selon la règle en bonne bureaucratie, pour gagner du temps, les Britanniques décident la création d'une commission d'enquête. Ah, ça, c'est une bonne tradition. Et commission d'enquête dépasse la mission initiale en déposant son rapport en mars 1930, puisque le rapport de la commission d'enquête remet en cause tous les fondements du mandat britannique, puisqu'elle juge que la source originelle des événements est que la Palestine est loin d'être sous-peuplée et qu'il n'existe pas de terres vacantes en Palestine. Il convient donc de limiter l'immigration juive et les transferts fonciers afin d'éviter le renouvellement des troubles. Alors évidemment, le rapport de la commission d'enquête provoque des protestations véhémentes du mouvement sioniste. Et les alliés des sionistes à Londres obtiennent l'annulation des conclusions du rapport de la commission d'enquête. À une délégation arabe venue dans la capitale britannique, il est affirmé qu'il ne pourra jamais avoir une remise en cause de la déclaration de Balfour et donc que jamais la Palestine deviendra indépendante. Les événements de 1929 sont essentiels dans l'histoire du XXe siècle, malheureusement, c'est des événements tragiques, parce qu'ils enclenchent le processus d'opposition entre monde juif et monde musulman, qui va avoir des conséquences jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un événement palestinien, ça se répercute dans l'Afrique du Nord française, et ainsi de suite. C'est le mécanisme qui entraîne la séparation et l'opposition des deux mondes, mais un moment tragique dans l'histoire, puisqu'on est maintenant à 3 ans de l'avènement d'Hitler au pouvoir. Alors, si les responsables arabes palestiniens comprennent qu'ils ne se feront jamais le poids par rapport à l'influence des milieux sionistes en Grande-Bretagne et dans les pays occidentaux, le recours ne peut être que mobiliser les opinions publiques arabes et musulmanes pour faire pression sur les occidentaux. Il faut se chercher des alliés à l'extérieur. Et les premiers alliés des musulmans palestiniens dans cette période sont les musulmans indiens qui envoient des délégations à Jérusalem apporter le soutien des musulmans indiens à la cause arabe palestinienne. En juin 1931, la Société des Nations dépose à son tour ce rapport sur le statut du mur occidental, ce qu'on oublie toujours de dire dans les débats d'aujourd'hui. Il y a une décision officielle de la Société des Nations qui définit bien que le mur et le quartier maghrébin appartiennent au Waqf, donc qu'ils sont bien des biens musulmans. Il y a droit d'accès pour les juifs, pour y prier, mais pas de droit de propriété. Alors, Benjamin al-Husseini a réussi à convoquer à Jérusalem en décembre 1931 un congrès islamique. C'est le premier des années 30. Alors la différence avec les congrès des années 20, c'est qu'il est interdit de parler du califat. C'est une question trop brûlante, mais on va parler de Jérusalem. Alors, on condamne globalement le colonialisme, aussi bien de celui des Français au Maroc que celui des Soviétiques en Asie centrale. Mais en marge du congrès, les délégués arabes se réunissent entre eux et ce sont tous des vieux copains parce qu'ils ont tous participé au mouvement Al-Fatat, les jeunes arabes, avant 1914 et à l'époque du royaume arabe de Damas, Rajamun comme les autres. Et c'est dans les délibérations du sous-congrès arabe qu'est constitué ce qui peut être considéré comme la première charte du nationalisme arabe. Un, les pays arabes forment une unité complète et indivisible. La nation arabe n'approuve et ne reconnaît pas les divisions territoriales qui ont été effectuées dans ces pays. Les efforts des pays musulmans doivent tendre vers un seul but, l'indépendance complète dans l'unité arabe et la lutte contre toute manifestation qui en limiterait l'activité en favorisant des dissensions locales. La colonisation sur toutes ses formes, de quelque nature qu'elle soit, étant en contradiction avec la dignité des Arabes et les buts qu'ils poursuivent, la nation arabe rejette la colonisation et luttera contre elle de toutes ses forces. Les délégués se sont engagés sur la foi du serment d'exécuter ce programme dans leurs pays respectifs et de sacrifier si besoin était leur corps et leurs biens pour en obtenir la réalisation. Comme des Maghrébins participent maintenant au congrès, on n'est plus dans un monde arabe qui s'arrêtait aux frontières du Sinaï, mais un monde arabe qui, pour la première fois, commence à s'étendre jusqu'à l'Atlantique. C'est pour ça que le congrès de Jérusalem et le sous-congrès arabe qui l'accompagne sont des dates absolument essentielles. On a maintenant un nationalisme arabe qui a atteint un stade de maturation élevé avec un corps doctrinal qu'il n'avait pas en 1914. Il y a maintenant des théoriciens du nationalisme qui ont écrit, qui ont défini qu'est-ce qu'être arabe, quel est le programme politique de l'arabisme. Et évidemment, on est dans le monde des communications modernes. Donc, il est beaucoup plus facile d'étendre l'action de propagande jusqu'au Maroc. Et à partir du congrès de décembre 31, va se constituer des sortes de réseaux de nationalistes arabes s'étendant à un ensemble de pays et étant pour le moins en communication régulière les uns avec les autres. Mais ce mouvement est encore divisé entre partisans et adversaires des hachémites, mais en 31, la division est un peu superficielle parce que Faisal, on l'a vu la fois précédente, a un tel aura à cette période, l'Irak va devenir indépendant, que tout le monde se reconnaît dans la personnalité du roi Faisal d'Irak. D'ailleurs, Faisal n'a jamais abandonné ses ambitions arabes et a sondé plusieurs fois les autorités françaises sur la possibilité d'élever un prince de sa famille au trône de Syrie. Mais déjà, les nationalistes syriens se montrent pas très chauds parce que finalement, ils trouvent que c'est tout à fait sympathique d'avoir une république, puisque quand on a une république, on n'a pas droit, donc on peut éventuellement accéder au poste suprême, ce qui est plus gênant quand il y a une monarchie. Donc le républicanisme français prend racine en Syrie. Mais on l'a vu, Faisal, par ailleurs, fait une politique de bon voisinage avec la Turquie, l'Iran, et il va même jusqu'à proposer aux Britanniques un grand État arabe unifié comprenant la Palestine, avec libre accès pour l'immigration juive à partir du moment où les Juifs acceptent la souveraineté arabe. Alors, l'étape suivante par les congressistes, c'est de tenir un grand congrès arabe, cette fois-ci, en Irak. Les partisans de l'Arabie saoudite, évidemment, s'opposent à la tenue du congrès en Irak, mais la mort de Faisal en septembre 1933 met la fin au projet. De plus, maintenant, il y a deux projets unitaires arabes qui commencent à s'opposer. Celui du croissant fertile, expression inventée par des archéologues européens, évoque une union entre l'Irak, la Syrie, éventuellement la Palestine et la Transjordanie, et celui de Grande Syrie et la reprise par l'émir Abdallah de son projet initial d'une couronne qui regrouperait l'ensemble des territoires syriens. Alors en arabe, on dit Bilad al-Sham, c'est plus clair, c'est le pays de Damas, qui est traduit habituellement par Grande Syrie dans les langues occidentales. Donc déjà, dans les hachémites, on a l'ambition des hachémites d'Irak de faire le croissant fertile et l'ambition d'Abdallah de Transjordanie de faire la Grande Syrie. Ce qui nous amène à la question de l'avenir de la Syrie ou des États du Levant de façon plus générale. C'est Henri Ponceau, P-O-N-S-O-T, qui a succédé à Jouvenel comme haut commissaire au Levant. C'est un diplomate de carrière, le premier dans la lignée des hauts commissaires, puisque les premiers hauts commissaires, vous le rappelez, étaient des militaires. Jouvenel était un politique, et maintenant on a un diplomate. Alors, en bon diplomate, il a d'abord travaillé dans l'ambiguïté face au fait que les nationalistes syriens se sont regroupés dans un nouveau mouvement politique qu'on appelle le Bloc national et attendent des Français qu'ils suivent le modèle irakien. Et donc, si vous voulez, le reste de l'histoire du mandat français va être définie par cette question du traité et du modèle irakien qui doit être séduit. Mais pour que on puisse accéder au modèle irakien, il faut qu'il y ait une constitution syrienne. Le Liban a une constitution, un parlement depuis 1926, mais ce n'est pas le cas en Syrie. Donc Ponceau fait tenir en Syrie des élections en avril 1928, en ayant bien fait travailler l'administration pour faire voter bien les populations comme il se doit, mais malgré tout les nationalistes, même s'ils n'ont pas la majorité, ont une capacité de dominer l'assemblée syrienne et donc il faut une bonne constitution nationaliste arabe à grande exaspération des Français, puisque le projet de constitution des nationalistes énonce l'unité indivisible de la Syrie, du Liban, de la Palestine et de la Transjordanie, avec exigence de transfert immédiat de toutes les compétences mandataires aux autorités syriennes. La France répond qu'il faut supprimer tous ces articles litigieux pour se contenter d'une constitution qui organise les pouvoirs publics et la gestion du pays, sans ouvrir aux questions politiques. Et finalement, Ponceau suspend l'Assemblée pour 3 mois, et puis ensuite Cette suspension devient indéfinie en février 1929. Alors, cette ouverture politique qui avait été celle d'Henri Ponceau a été contestée par les coloniaux français d'Afrique du Nord. Mais Ponceau réplique à ses critiques à Paris qu'ils sont bien gentils, mais en Syrie, il n'a que 15 500 soldats et 350 fonctionnaires. C'est pas l'Algérie. Et donc, ça nous rappelle que la présence française est numériquement très superficielle dans les États du Levant. Le libéralisme de Ponceau est d'abord un libéralisme fondé sur la disproportion des moyens disponibles. Donc Ponceau se contente de promulguer une constitution syrienne en ayant enlevé les articles litigieux. Et on nous retrouve la problématique habituelle, qu'il faut trouver une force politique syrienne suffisamment forte pour être capable de signer le traité, mais suffisamment faible pour l'accepter. Et c'est toujours la fameuse quadrature du cercle, parce que s'ils sont suffisamment forts, ils ne signent pas, mais s'ils sont trop faibles, ils ne peuvent pas l'appliquer. Hein, c'est le fameux problème qu'on a jusqu'aujourd'hui, par exemple, en Palestine, sur la question de négociation. Donc, les nouvelles élections ont été retardées à décembre-janvier 1932, l'administration mandataire se chargeant de bien les préparer, c'est-à-dire de faire voter correctement la population en modifiant la carte électorale et en exerçant toute pression. On demande en particulier aux minorités de prouver leur loyauté envers la puissance mandataire. Les modérés l'emportent, mais non sans un certain nombre de violences. Et finalement, en 1932, la constitution peut être appliquée avec une assemblée. Mais le problème reste toujours celui de l'unité syrienne et du vrai indépendance du pays. Je vous rappelle que la France avait mené depuis les années 1920 une politique de division du pays en plusieurs États séparés, plus le Sandjak d'Alexandrette, qui était sous une gestion directe de la France, ainsi que la Jésirée syrienne, la vallée de l'Euphrate, qui dépendait directement de l'armée française et non pas du pouvoir de Damas. Alors, la grande inquiétude, comme dit Daladier, le 30 mars 1933, à la Chambre des députés, c'est qu'en cas de départ de la France, le risque de voir ces différentes races se jeter les unes sur les autres, comme cela leur est arrivé très souvent dans leur histoire. Il faut donc pouvoir assurer la sécurité des minorités avant l'indépendance, mais par la volonté d'assurer la sécurité des minorités, on attise les tensions entre la majorité et les minorités. Donc la question n'est pas facile. Or, la réponse des nationalistes syriens aux positions françaises, c'est de dire que franchement, les Européens, ils sont pas là pour donner des leçons vu ce qu'Hitler est en train de faire en Allemagne. La défense des minorités, on voit ce que ça donne en Europe. Alors, cessez de nous enquiquiner sur ce sujet. Mais néanmoins, les nationalistes acceptent l'idée d'application du statut des minorités de la SDN à la Syrie. On a vu que ça avait été fait pour l'Irak. En juillet 1933, Ponceau reçoit la fonction de résident général au Maroc, ce qui va amener une véritable révolution dans le protectorat français. Parce qu'il faut bien comprendre que pour la première fois, on voit arriver au Maroc un résident général qui a l'habitude de discuter avec les nationalistes, ce qui ne se faisait pas en Afrique du Nord. Et donc, on voit le jeu entre le Maghreb colonial et la Syrie et les États du Levant. Les États du Levant ont été constitués par des équipes françaises qui venaient du Maroc, mais maintenant que le mandat a pris racine, ce sont les gens du mandat qui viennent donner des leçons aux autorités coloniales françaises en Afrique du Nord, parce qu'ils ont une gestion plus souple du nationalisme que la façon rigide dont les autorités coloniales françaises géraient l'Afrique du Nord. Donc c'est Damien de Martel qui succède à Ponceau en octobre 1933, mais comme le projet de traité qu'il propose déplaît aux nationalistes syriens et qu'il risque d'avoir la majorité au Parlement, Martel suspend sine die le Parlement syrien en novembre 1933. Alors, devant l'échec politique du bloc national d'arriver à un accord avec la France et avec l'arrivée des jeunes qui ont été issus des consignes venues du Congrès de Jérusalem, on voit apparaître un nouveau mouvement à côté du bloc national, c'est la Ligue d'Action Nationale, Hizbut al-Amal al-Qawmi, dont le projet unitaire s'étend à l'ensemble du Proche-Orient. La Ligue d'Action Nationale réunit toute la nouvelle génération beaucoup plus radicale, beaucoup plus nationaliste arabe, mais qui va poser un problème supplémentaire, c'est qu'idéologiquement, la nouvelle génération rejette les frontières issues de 1920. C'est-à-dire qu'à la fois, ils veulent l'indépendance, mais ils remettent en cause les frontières issues de la colonisation, ce qui posera des tas de problèmes pour l'avenir. Cette génération est aussi profondément anti-sioniste, ce qui commence à créer des dangers pour la communauté juive syrienne. Ils s'opposent à la réinstallation des Assyro-Chaldéens fuyant l'Irak dans la Jésirée syrienne. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 21 novembre 2018 l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui la naissance du pays de l'or noir et la question de Jérusalem. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 chez Fayard en 2017. Et prochainement, le tome 2 de ces crises d'Orient va paraître sous le titre La naissance du Moyen-Orient 1914-1949. Je rappelle également la série Orientale, dont le volume 4, L'Orient dans tous ses états, a été publié aux éditions du CNRS. Iconographie web Claire Poinsignon. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des crises d'Orient en compagnie d'Henri Laurence et nous irons du côté du Levant. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.